الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول الله عز وجل في كتابه الكريم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Et هذه الآية dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite al-muhajirin ou al-ansar, ay min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, كذلك ceux qui les ont suivis bi ihsan, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbu ha'ula, il les aime et il est satisfait d'eux, Azza wa Jal. Et il leur a promis al-Jannah. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Fal mu'min yuhibbu ma yuhibbuhu Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu n'aime ce que Allah subhanahu wa ta'ala il aime. Et on déteste ce que Allah subhanahu wa ta'ala il déteste. قال سبحانه وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala cite le comportement du mu'min par rapport à ses frères, les croyants qui sont morts avant lui. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. يفدع طول. Pourquoi? لأنه il les aime, c'est ses frères في الله عز وجل. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Et كذلك il fait ce dua أن dans son cœur il n'y a pas de غل, de حقد, de bourde, de haine, de rancœur envers ses frères qui sont mort avant lui. قال الإمام السمعاني رحمه الله تعالى في تفسيره وفي الآية أي dans ce verset qu'on vient de lire من سورة الحشر دليل على أن الترحم للسلف والدعاء لهم بالخير وترك ذكرهم بالسوء من علامة المؤمنين. العلامة c'est un signe du مؤمن أنه il fait un dua pour ses frères et il ne les cite pas en mal. Et là, chaque anna dhurwatul mu'minin, c'est ashab rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Les meilleurs des croyants, c'est la génération, ceux qui étaient avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kama rawa al-shaykhan an Imran ibn Husayn radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن خيركم أي les meilleurs قرني, c'est ceux qui sont à son époque عليه الصلاة والسلام, أي les croyants qui étaient معه صلى الله عليه وسلم, ثم الذين يلونهم, et ensuite ceux qui sont venus après eux. Et ensuite, ceux qui sont venus après. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم والمراد أصحابه. L'unanimité des savants أن la meilleure génération c'est celle du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم. La génération des croyants qui étaient avec lui. كما أخبر عليه الصلاة والسلام إن خيركم قرني. النص اللي واضح. Ça englobe tous les croyants qui étaient à son époque صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قال الإمام النووي بالاتفاق. L'unanimité des savants على هذا. وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه في عقيدته ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم. الست مذهب السلف, la voie des السلف, مذهب أهل السنة والجماعة concernant notre position par rapport aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. فنحبهم في الله عز وجل. Sans exagérer. كذلك ولا نتبرأ من أحد منهم. عياذا بالله. كما تفعل الرافضة أخزاهم الله. أنهم تبرأوا. أي les rendent كفار مكخيان. Et ils les détestent. Ils détestent ceux qui les aiment. فنحن avec les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam la natabarra abadan. Qala wa nubghid man yubghiduhum, ceux qui détestent les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kadhalik, on les déteste. Pourquoi? Li'annahum détestent la meilleure génération, ils détestent ceux qui ont propagé hada din, ils détestent ceux qui ont vécu la révélation, ils détestent ceux qui ont entouré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال وبغير الخير يذكرهم, كذلك on déteste ceux ou celui qui cite les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou certains d'entre eux بغير الخير, il les critique et il les rabaisse. فهذا on le déteste في الله عز وجل. ولا نذكرهم إلا بالخير, et ça c'est un point important, أن الصحابة on les cite إلا بالخير. قال وحبهم إيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. Les aimer في الله عز وجل, ça fait partie de l'Iman, de l'Ihsan. Les détester, c'est du kufr, ونفاق, de l'hypocrisie, وطغيان, de l'égarement, عياذا بالله. فاحذر أخي الكريم, أخي المسلم, لا تذكر هؤلاء الأخيار إلا بالخير والجميل. Akhi al-Muslim, quand tu parles des compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne les cite que bil khayr, qu'avec des bonnes paroles. Wahdhar, de rentrer dans des choses que tu ne maîtrises pas, et robama, tu prends position bi ghayri haqq, ou tu dépasses tes limites, wa tat'am fi sahabi min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, أي celui qui prend, celui qui fait du mal à un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala, فالله lui déclare la guerre. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'a aucun doute أنهم ils font partie des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala. بل c'est خير الناس بعد الأنبياء والرسل, c'est les meilleurs des hommes après les messager et les prophètes. قال الإمام السمعاني رحمة الله عليه كما نقل الحافظ في الفتح التعرض إلى جانب الصحابة, et celui qui touche, qui critique à un compagnon du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, علامة على خذلان فاعله, ça montre أن cette personne مخذولة, il n'est pas guidé sur le droit chemin. Imma à cause de son ignorance, à cause de son orgueil, à cause de sa rancœur, à cause de son penchant vers les passions et vers les égarés, fayyat'an fi sahabi min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça c'est une preuve, anna hadha ar-rajul il n'est pas à la haqq, il n'est pas à la khayr, abadan. Il serait à la khayr, il ne critiquerait pas un compagnon du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. لأن أليه الفائدة. بعض الناس الآن comme on va voir أنهم يطعنون في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, إما directement, إما indirectement, avec des choubahs, avec des choses qui n'ont aucune base, aucune source. Laquelle, la question qu'on se pose, pourquoi, pourquoi لا يطعنون في الكفرة, pourquoi ils ne critiquent pas الكفار, et ils sont beaucoup, ils sont nombreux à notre époque. Pourquoi ils ne critiquent pas Ahl al-Bida' wa al-Dalal wa al-Ahwa wa Ahl al-Shubuhat wa al-Shahawat? Il y a beaucoup de gens à critiquer et à conseiller et à montrer leur égarement. Lakin ha'oula, avec les égarés, ils ont un rifq, qui dépasse les limites de la douceur, qui n'est pas à sa place, et avec Ahlul Haqq, Ahlul Ilm, même avec les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont une shidda, et ils critiquent, et ils citent des choses, et leur but c'est d'écarter les gens de ha'oula. Iyadam billah. قال التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله بل هو بدعة وضلالة. نعم c'est pas la voie des salaf. Les salaf salih et ceux qui sont venus après eux, leurs élèves, ils critiquaient pas les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou certains d'entre eux. Tout ça c'est من البدع والضلال. ومن هؤلاء الطاعنين في بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المخذول المنحرف إسلام ابن أحمد. هذا الرجل dans ses cours, dans ses audios, يطعن بشدة, il critique أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, certains d'entre eux, خاصة comme on va voir بإذن الله عز وجل معاوية et d'autres. Il a une شدة عجيبة. Et beaucoup de ces audios, beaucoup de ces interventions, c'est fihada. Et tu le trouves fi janib al-kafara, ou al-mulhidin, ou ahli al-bid'i wa al-dhalal, fala yatakallam fihim. Ça, ça montre anna al-rajul, il est ala su, il est ala al-dhalal, il est ala al-inhiraf. Et on va lire ces paroles ensemble, incha'Allah ta'ala, wa narud bi kalam ahli al-ilm. على شبهاته وانحرافاته والله المستعان.